Renouvelle en moi un corps pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un corps pur. Renouvelle en moi un corps pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi le feu du premier amour. Renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi le feu du premier amour. Renouvelle en moi. Qui est comme toi, éternel, qui est comme.